bien a-t-il le droit d'être riche? C'est ce que j'avais dit. Je pose la question à l'envers. L'homme a-t-il le droit d'être pauvre? Bon, c'est l'homme a le droit d'être pauvre. Peut-être que c'est deux catégories. Bon, l'homme est pauvre. Dans quel sens? Pauvre d'esprit. Oui, ben, si dans le sens esprit, intelligence, c'est souvent l'être humain qui est intellectuellement intelligent, mais ça, c'est une mécanique qui va s'améliorer en son allant. Non, l'homme n'a pas le droit d'être pauvre, puis non, l'homme n'a pas le droit d'être riche. C'est parce que moi, je suis une banque. C'est pas une question de droit, c'est une question. Exact. L'homme devrait être riche. Mais la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est la santé. Hein? Certains disent que la richesse, c'est l'amour, etc. Et Yvon Deschamps, un jour, qui dit que mieux valait être riche et en santé que pauvre et malade. Pour contredire que les gens qui disaient tout le temps, mieux vaut être pauvre et en santé que riche et malade. Mais mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade. Parce que la richesse, ça n'apporte pas le bonheur, ça rend le malheur confortable. Mais ce qui est important de comprendre surtout, c'est que Jean est historiquement, je veux expliquer, puis je le dis souvent, qu'il y a énormément de mécaniques planétaires qui forcent l'homme, la femme, l'enfant à ne pas avancer. Et l'être humain souvent a pris ces mécaniques-là, puis l'être humain souvent pense que ces mécaniques-là l'aident et l'aiment, alors que c'est faux. Et l'humain, pour éliminer la dissonance cognitive, va aller jusqu'à inventer des théories où on te met à l'épreuve. À un moment donné, là, c'est beau, là, t'es policier, toi, là. Tu reviens sur la rue, puis, tac! Tu mets à l'épreuve voir si le citoyen est capable de respecter les forces constitutionnelles. tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, là, mais il me semble que si t'es correct, t'as pas besoin de mettre à l'épreuve. Mais si, dans un pays où on fait ça, si on voit ça, nous, on dirait, non, les forces policières aiment pas le peuple. Ils s'en foutent du peuple. Ben voilà. Les forces policières s'en foutent. Il y a quelqu'un qui aime pas ce que tu dis. Quelque chose. Contrôle-toi. Hein. Il reste une autre. Oh non, deux autres. Mais dans les pays où ça se passerait, justement, où la force policière vérifierait la capacité du peuple à résister à ces attaques, il n'y a pas d'argent normalement. Non. Dans les pays riches, dans des nations qui sont bien portantes économiquement, il n'y a pas la répression militaire, il n'y a pas les maladies développées de la même façon, et des services de santé, et des services d'éducation. C'est ça. On n'a pas ça dans les pays pauvres. Mais ça, c'est le principe planétaire de la richesse. La richesse, c'est le temps et la matière, l'argent. Les principes planétaires de la richesse, c'est que dans les pays où on a l'argent, on n'a pas de temps. Dans les pays où on a le temps, on n'a pas l'argent. Donc, planétairement, l'humain est pauvre. Les rares qui ont été riches, ça a été la royauté. Pas les personnes d'affaires, qui travaillent trop. La royauté qui avait de la richesse, il y avait du temps et de l'argent. Parce qu'il leur manquait d'intelligence, mais il y avait du temps, ils ne savaient pas quoi faire avec ça, ils s'ennuyaient, il fallait bien qu'ils se distraient. Et il y avait l'argent, c'est des gardiens de finances, ce n'est pas des riches. Planétairement, si on va dans les pays pauvres, ils ont du temps. Hein? Il n'y a pas de travail, tout le monde, on a le temps. Il y a des pays, par exemple, où à midi, ils mettent leur sombrero sur le visage. Ils font la fiesta. Dans les pays où on a de l'argent, les gens n'ont pas le temps. Bon. La richesse, avons-nous le droit d'être riche? Nécessairement, il faut comprendre ça à un niveau vibratoire un peu plus haut que ce que l'humain comprend normalement de la richesse. Je disais à un moment donné à un prêtre que c'était un péché d'être pauvre. Et lui, dans sa compréhension, disons que les riches, c'était du mauvais monde. Il parlait des vils hommes d'affaires. Bon. Les villes hommes d'affaires, sans ville, pas dans le sens ville, les villes hommes d'affaires ont été villes dans le temps où ils adoraient l'argent, où ils aimaient l'argent et non pas ce que ça procurait. D'ailleurs, les pauvres adorent l'argent aussi souvent, puis souvent les prêtres aussi, puis bref, c'est l'humain. Effectivement, là... Oui, mais c'était aussi ce que ça leur procurait, parce qu'ils s'en servaient de façon égoïste. C'est ça. Parce qu'il y a d'avoir l'argent et pas avoir de pouvoir. Que l'argent, la supériorité aussi que ça amenait, le snobisme social ou snobisme spirituel. Ça fait que le problème, c'est pas l'argent, c'est l'ego dans l'homme. Il y a eu beaucoup d'amour pour l'argent, il y a eu beaucoup d'amour pour la matière, il y en a encore pour l'or, parce que l'or devrait se transiger, à mon point de vue, à 15 piastres l'once. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est juste, c'est de l'amour. C'est, on s'achète de la sécurité. Parce que l'or demain matin, même s'il y en a plein à ma maison, c'est pas ça qu'on me nourrit. Mais on donne une valeur. On donne une valeur émotive. C'est donc, il y a encore beaucoup d'émotions dans la richesse. Il y a encore beaucoup d'amour. Dans l'idée archaïque que l'humain se fait de la richesse, vers la fin du 20e siècle, l'humain conserve encore l'idée qu'être riche, c'est avoir du pouvoir. Puis le pouvoir est normalement amené par le contrôle sur la matière. Le contrôle sur la matière est amené par l'armée, la religion ou l'argent, normalement. Bon, présentement. Alors que la richesse, c'est d'avoir le temps et d'avoir l'argent. Puis évidemment, planétairement, comme vous constatez, c'est extraordinairement bien divisé. L'humain ne peut à peu près pas être riche. De vraie richesse. Je dis souvent, par exemple, que lorsque l'humain commence à avoir de l'argent, l'humain n'a pas le temps. Alors qu'est-ce que l'humain fait? L'humain prend son argent puis il le transfère en temps. Alors, l'humain va s'engager et lui sera une servante. La servante va faire le ménage, donc ça va laisser du temps à la personne. Mais elle aura moins d'argent, elle va transférer son argent en temps. Tu achètes une laveuse à vaisselle, tu transfères ton argent en temps. Et c'est un problème. On doit, à un moment donné, être capable d'être riche. Ça veut dire être capable d'avoir le temps et l'argent. Mais mentalement, c'est-à-dire logiquement, on peut conclure que finalement, on peut avoir seulement que la moitié des deux. Ça, c'est l'expérience humaine qui t'amène à dire ça, mais l'humain est autre chose que parce ça. Parce qu'on, si on regarde ça, on dit, ben, pour avoir un peu d'argent, il faut que tu mettes du temps. C'est ça. C'est la partie méritoire de l'évolution humaine. Alors que c'est... Ouais, mais on ne sera jamais riche. Pratiquement, c'est... C'est faux. Ben, pratiquement, ça ne se fait pas autrement, présentement. Non, pratiquement, ça ne se fait pas, c'est sûr, l'humain ne le sait pas. Il y en a qui ont du temps, puis ils se disent, moi, je suis correct, moi, j'ai mon petit chèque de bien-être, là, je travaille pour le gouvernement fédéral, puis moi, j'ai du temps, puis moi, je suis correct. Il y en a un autre, puis, qui voyage, il y a de l'argent, il y a un paquet d'affaires, il y a une grosse maison, il y a 2-3 automobiles, mais finalement, quand les deux vont mourir, là, regarde bien, si je vais leur poser des questions, ils vont probablement répondre à la même chose. Ils vont appeler les deux. C'est pas parce que ça se fait comme ça que c'est le principe même de la richesse. L'être, qu'est-ce qu'on... Il faut dire qu'il y a différentes mécaniques. Mais pour y arriver, là... C'est ça. Parce que je sais, t'es pressé, toi. Je sais, t'as hâte d'être riche. Bon. Qu'est-ce que tu veux en premier, le temps ou l'argent? C'est l'art prédictive, là. Ça s'en va les mondes. Là. C'est parce que moi, on c'est... On pense à ça, là, on continue. Ah, nous, c'est pas à moitié, c'est les deux, mais... C'est les deux. C'est les deux, puis pas à moitié, dans tous les sens. Non, mais, pas à moitié, non, mais dans le sens... Pas dans le sens que je suis en train de t'expliquer là. Je veux pas avoir la moitié du temps puis la moitié de l'argent. Je veux avoir suffisamment... beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est là qu'on se fait prendre. C'est là qu'on se fait prendre, parce que... Mais il sait, c'est pour ça qu'il bafouille! C'est comme si on voulait avoir... Moi, je veux 32 heures par jour. De travail? Non, de temps. C'est comme si on demande combien on veut d'argent, combien on veut de temps. Moi, je veux 32 heures par jour pour être sûr de ne pas manquer dans mes 24 heures. Fait que si je veux 32 heures par jour, c'est donc que je vais avoir du temps qui ne m'appartient pas, que je vais avoir... Mais le temps qui ne t'appartient pas peut te tuer. Exactement. Puis la matière aussi. L'argent va te détruire aussi. Oui. Ça en aurait trop. Mais qu'est-ce que tu ferais de tes 32 heures par jour? Tu n'en as pas besoin, tu as juste 24 heures. Mais je ne suis pas sûr que l'humain est fait pour savoir quoi faire de 24 heures par jour sans avoir à travailler, à faire quelque chose qui va y rapporter. Oui, mais là, il ne se posera pas de question. Il vivrait les 24 heures au lieu de se demander qu'est-ce qu'il va faire des 24 heures. Le gros problème, c'est qu'on doit cesser de penser en animal humain. Ça veut dire, être vivant, donc abandonner les structures du passé. Oui, mais ça s'est toujours fait. Ça, c'est pas grave, ça. C'est pas un problème, ça. Ça, c'est pas un problème. Bon, ça, c'est vraiment pas un problème. L'humain peut être riche, sauf qu'il y a des mécaniques qui vont régir la richesse de l'être ancien. Celui qui vit par, celui qui évolue, celui qui vit par la mémoire, l'expérience, l'habitude, le rituel, les traditions, puis les conseils. Il y a plein de conseils. Bon. Et il y a d'autres mécaniques qui vont régir la richesse, donc l'ascension planétaire de l'être nouveau, l'homme, la femme ou l'enfant, l'être conscient. Celui qui a de la capacité d'être capable de savoir si c'est ça ou pas ça, sans avoir à passer par le cheminement de la rationalisation, donc de s'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être ancien, ce qu'il fait, vu que c'est un être mort, ce qu'il fait est plus important que lui. Alors, il aura de la richesse, il aura plein de choses, puis s'il est malade, puis il meurt, puis il y a des guerres, puis il se divorce, puis il se suicide, etc., c'est pas grave. Ne fiez-vous pas sur les mécaniques célestes pour s'occuper de l'humain, on le laisse bien aller. L'être nouveau, lui, par contre, est plus important énergétiquement que ce qu'il fait. Ça veut dire que du moment qu'un humain commence à être intelligent, s'il continue à appliquer des mécaniques financières ou temporelles de l'être ancien, il se pète le nez. Il va devenir pauvre en temps et sous, puis en argent. Ça, c'est en argent au départ, puis progressivement en temps. Il va être malade, il va être occupé par la maladie, par des contraintes, des scandales, il va être occupé par la recherche d'emploi, il va être occupé parce qu'il est extrêmement dans la rue. Il va être occupé. Il n'aura pas plus de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être, un humain qui commence à être intelligent et qui veut régir le monde des affaires de la même façon que ça s'est toujours fait, il va se péter la fiole. C'est sûr que tant que tu es le pion d'un patron qui fait partie de l'ère ancienne et qui gère à sa façon, tu vas avoir ton salaire. Mais l'être conscient, nécessairement, à un moment donné, finit par être son seul maître. S'il mène son affaire, il faudra qu'il mène d'une autre façon que la tradition. Il va falloir qu'il ne la mène plus. Il ne pourra pas rester là. C'est sûr. Celui qui est le patron en haut, à un moment donné, il va soit intelligencer le patron, hein, il va finir par l'imprégner. Il va se faire mettre dehors, il va se passer quelque chose. Ou il va s'en aller. Mais il faut les grosses structures, évidemment, les gens qui sont là sont souvent régis par de l'intelligence, mais sont souvent morts, ils ne le savent pas. Mais ils sont faciles à révéler. Bon. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'humain qui commence à se conscientiser est plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une question de baromètre. Puis ça, on doit le comprendre l'idée. Et je sais de quoi je parle quand je parle, moi, d'argent et de temps. Partir de rien, puis rien faire pour monter, ça se fait bien. Un exemple, vous achetez une maison pour revendre. Vous achetez une usine. Et là, vous l'achetez. Vous payez ça, disons, pas cher, là, 2 500 000. C'est ainsi, il y en a pas mal à vendre. Ça. C'est un magasin. Ils vendent même les patrons avec. Patron, je parle des patrons, là. Patron. Bon. Faut couper les pièces, les patrons. Et puis, tu veux la revendre, tu t'assois dans ton bureau, puis tu regardes dehors, et puis le téléphone sonne à un moment donné, puis c'est quelqu'un que tu n'as pas parlé depuis longtemps, qui jase, puis là, gnagnagna, puis de fil en aiguille, ben, finalement, il connaît quelqu'un qui peut être que, puis le lendemain matin, ton usine, elle est vendue. C'est pas signé, là, mais c'est fait. Et puis, c'est réglé. Ce n'est pas méritoire, et ça, c'est l'apanage de l'intelligent. Ça veut dire que celui qui en a besoin va, d'une façon ou d'une autre, arriver là où il y a la chose, puis toi, qui avais juste à servir de transporteur de la marchandise, tu vas nécessairement recevoir de l'énergie en fonction de ton assiette à soutenir, tu auras de l'argent. Et cet argent-là te donnera du temps, c'est intelligent. Parce que les gens qui ramassent de l'argent... Moi, quand j'ai commencé à travailler, à un moment donné, il fut un jour où j'ai commencé à travailler. Et puis, j'avais mes amis qui avaient 2 000 $ en banque. Moi, j'avais 150 $ par semaine. Lui, il avait 2 000 $ en banque. Puis, il voulait faire un film avec moi. Puis, j'en revenais pas comment que le gars ne prenait pas au moins 1 500 $ pour investir dans le film. Tu sais, moi, je n'avais rien en banque, puis j'étais heureux. Lui, il avait 2 000 $, il aurait pu accéder à ça, il aurait été correct. Quand j'ai eu 2 000, j'ai pas pensé que c'était brillant d'investir. J'ai dit, quand on va avoir 5 000, tu sais, on pouvait prendre 3 000 pour l'investir. Quand j'ai eu 5 000, écoute, il me semble que 5 000, quand j'aurai 25 000, je pourrais prendre... C'est ça le piège. À un moment donné, tu as 1 300 000, si tu te ranges encore, si tu peux acheter la robe ou les culottes que tu as vues au magasin. C'est sûr que des égaux qui se sentent coupables d'avoir de l'argent, ils dépensent. Il y a un paquet d'humains qui sont des gardiens de la finance, c'est-à-dire qu'ils seront riches, ils ne sauront pas quoi faire avec ça. C'est le genre de personnes qu'on dit, Christy, comment ça qu'ils ont de l'argent et qu'ils ne font rien? Moi, avoir l'argent qu'eux autres ont, et on gère ça. On gère bien ça. On ne veut pas quelque part que l'humain avance trop vite. Mais dans la partie de la planète où il y a de l'argent et il n'y a pas de temps, ceux qui auraient du temps ou quand on a du temps, on cherche par tous les moyens à se débarrasser du temps. Ben on n'est même pas capable de les supporter. On va aller voir des films. Tu parles bas. On va aller... je parle bas. Non, l'idée, c'est que... Bon, OK. Non. Mais on va le perdre, notre temps. On appelle ça des passe-temps, on appelle ça des divers... Oui, ça, c'est la grande mort de l'humain, c'est que l'humain a besoin, justement, l'humain n'est pas capable d'assumer son temps. Hein? On dit sa solitude, là, mais c'est son temps. L'humain, justement, se divertit. Mais finalement, il n'est pas capable de plus assumer son argent non plus. Il brûle son temps, c'est ça. Il se brûle par les deux bouts de la vie, il se brûle carrément. Puis ça, c'est encore un gros problème, parce que... Moi, je dis souvent à des personnes, bon, je fais des conférences sur l'enfant Teflon, moi, je suis un Teflon bonne qualité, puis je leur dis souvent... moi, je m'ennuie jamais. Et je suis tellement intéressant que je m'ennuie pas. Les gens, mais non, mais quand même une personne plate qui s'ennuie rencontre une personne plate qui s'ennuie, puis ensemble, ils s'ennuient pas. Moi, je rencontre quelqu'un d'intéressant, c'est encore mieux. Mais effectivement, l'humain a de la difficulté à s'assumer, l'humain est mémoriel. Fait que l'humain a besoin qu'on le stimule dans sa mémoire. ou il va aller voir un film, il va aller inconsciemment se chercher le malheur, c'est plus facile à trouver que le bonheur. Il y a besoin de stimulation, alors que l'être qui devra devenir riche, celui qui sait c'est quoi la richesse, l'être nouveau entre autres, ben nécessairement, quand il va avoir le temps, il va rien faire. Ça va être parfait. Puis il va agir quand ça va être le temps. Il y a une synchronicité temporelle qui va se développer, et puis la personne, elle va continuer à lire Astérix, et elle se dira pas, pourquoi je suis un maître du temps et de l'argent. Mais non, je fais là, lire Astérix, moi là, je devrais lire... Non, c'est ça, l'humain reste l'humain, il reste ce qu'il est. Si avant il y allait jouer au tennis, il va jouer au tennis. Je disais souvent à des personnes, tout est pauvre, pourquoi? Parce que le moindrement que tu vas avoir de l'argent, tu vas vouloir changer les structures sociales, que c'est pas le temps. Mais si tu seras capable d'avoir $1 million, t'acheter un petit chalet, puis passer 2 ans en arrière de tout ton lac à pêcher, même s'il n'y a pas de poisson ou d'hameçon, là, tu auras ton argent. Fait que voyage, puis quand tu atterris quelque part, va pas changer le monde. Ces personnes-là, c'est du bon monde. Le bon monde mange la claque en tabarnouche à plein de terre. C'est du bon monde. Alors, ils sont pauvres. Puis en plus, ils ont emprunté pour aider du monde. Moi, je m'entends riche. Puis, bang, tout le monde est rendu riche. Ils ont du temps en masse. je revenais à la question que le temps et l'argent, c'est une question de baromètre. C'est que ça veut dire que quand dans la mesure où tu es capable d'être centré sur toi, d'être capable de te supporter, tu vas avoir les deux sans pratiquement rien faire. C'est pas ça, là, mais sans. C'est pas une question de travailler pour avoir quelque chose. C'est une question que. C'est quelque chose question qui. D'être. Ouais, c'est parce que c'est pas, ça vient pas de soi, mais il y a quelque chose qu'on produit pareil quand on est centré. Comment l'humain peut-il faire une scission entre sa vie et son travail? Combien de temps de ta vie au travail, si ton travail fait pas partie intégrale de ta vie, c'est enfin une autre journée de fini, et une autre journée de moins à vivre. Ouais. Il faut que ça fasse se fusionner. Écoute, le travail, c'est pas uniquement de ramasser ton pain, puis ramasser ton beurre, puis ton savon. C'est pas ça le travail. C'est intéressant d'avoir ça. Pourquoi? Parce que ça te libère de la matière, ce qui te permet d'éviter de passer ton temps à la chasse. Tu vas acheter ton bœuf. Ou tu n'en manges pas, tu vas acheter autre chose. C'est bon, un restaurant d'aliments naturels. Je me rappelle la fois que j'ai fait une publicité en conférence sur son restaurant, et quand j'ai donné l'adresse à Saint-Adèle, le monde t'avait déçu. En tout cas. Tout le monde fait fier. À l'autre bout du monde. Quand tu passes, tu vas te voir. Mais en tout cas. L'être humain va devenir. Tu parles de centricité, effectivement. Qu'est-ce que c'est la richesse? Ça, c'est le gros problème, c'est cela. C'est que l'assiette énergétique d'une nation va être soutenue par sa création matérielle. Puis quand je parle matériel, évidemment, c'est évident qu'antiquement, c'était matériel. Aujourd'hui, progressivement, vers la fin du 20e siècle, c'est plus uniquement des productions matérielles parce que, étant donné qu'on a maintenant des cerveaux siliconiens, on a des ordinateurs, on a progressivement inventé une autre production qui n'est plus de la manufacture où on va travailler les services. Mais disons que ça fait des services, pour moi, font partie de la matière présentement. Okay? Donc, l'humain fabrique de la matière et l'assiette énergétique d'une nation, c'est son produit intérieur brut, ce qu'il peut créer, ce qu'il peut bâtir, que ce soit en service ou en matière, présentement. Le génie, on l'élimine encore pour l'instant. La création du génie, se servir de monnayer sur l'intelligence des humains, on l'élimine ça pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est dans l'ère ancienne. Donc, l'individu nationalement parlant, lui, s'il meurt, s'il crève, c'est pas grave. L'important, c'est que l'assiette énergétique nationale est soutenue par la création de l'ensemble. Quand l'être humain commence à être intelligent, le moindrement, que je parle d'intelligent, ça veut dire capable d'être conscient, capable de dire, crime, pas correct, qu'est-ce que je fais là? Si quelqu'un te dit, bon, non, c'est niaiseux, t'es dans le chien, tu fais pied à terre, c'est pas ça qui dérange le monde, la personne vibre que de toi, je m'en fous du monde, elle est consciente. Elle, c'est une question d'éducation, elle est consciente, elle le sait avant d'expérimenter. Quand la personne commence à être consciente, elle est plus collective, elle se décollectivise lentement, elle s'individualise. Bon, pas trop au niveau, ben, ça va le faire au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus rencontrer du monde, elle devient sauvage un peu, c'est dommage, mais elle va s'individualiser au niveau de sa conscience. Si tout le monde va là et qu'elle voit que c'est correct, elle y va. Si tout le monde va là et qu'elle voit que c'est pas correct, elle y va pas. Maintenant, la personne qui commence à être intelligente, bien là, ce qui va arriver, c'est que pour asseoir son assiette énergétique à elle, son assiette énergétique ne dépend plus du collectif, donc c'est maintenant elle qui devient importante énergétiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la structure barométrique va commencer à entrer en fonction. Elle existait au niveau des nations. Bon, mais maintenant, elle va entrer en fonction au niveau de l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas centré dans votre énergie, puis l'humain, l'évolution, il voit souvent que l'évolution, c'est une question de parole. C'est une question d'énergie dans la parole, mais pas nécessairement de phraséologie de ce qu'il dit. Bon, un sage dit des belles choses. Ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il te revient, il t'appartient. Et s'il ne te revient pas, il ne t'a jamais appartenu. Écoute, même s'il te revient, il ne t'appartient pas. Mais si tu l'aimes, laisse-le libre. Mais ça paraît bien, les gens achètent. Moi, quand je parle d'intelligence, c'est autre chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'être humain devient plus important que ce qu'il fait. Donc, à l'instant où l'intelligence commence à l'habiter et qu'il continue à agir en être ancien, bien, c'est là que sa richesse commence à planter. Donc, il devient pauvre. Perd son emploi, perd son argent. Je connais des gens qui en ont fait de l'argent, qui en ont généré énormément. Puis quand je parle énormément, là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars en un an. Ils n'ont jamais été capables de s'arranger, surtout été organisés, jamais été capables de s'arranger pour qu'il n'y ait pas plus de sorties que d'entrées, finalement. Tout le temps. Bon, le dernier que j'ai rencontré, là, c'est un gars qui, lui, génial, c'est parfait. Puis là, finalement, il a tout perdu après l'autre. Il s'est même divisé pour être sûr que s'il y en a un qui plante, puis ce qu'il constate, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ça a planté partout. Ben oui. C'est ce qu'on lui explique. Tu es intelligent. Il y a un être intelligent qui n'agit pas en fonction de ce qu'il est. Il n'y a rien à faire. Là, le baromètre devient intéressant. Ça veut dire quoi? Dans le même phénomène de ce que tu dis pour un individu, il était aussi vrai pour une nation. C'est quand tu parles de l'assiette énergétique qui était soutenue par les services et les produits, à un moment donné, le sentiment de la nation, c'est que ça va toujours être là. Donc, jusque-là, ça va, dans le temps qu'il crée. Mais quand il arrive au point où c'est créé, où l'assiette énergétique est là, puis qu'il y a suffisamment de confort d'installer, là, la peur de le perdre arrive. Puis quand la peur de le perdre arrive, là, on crée le protectionnisme alentour. On empêche l'exportation, l'importation, on met des barrières tarifaires. Ben, c'est la même chose au niveau de la personne. Ouais. Dans sa diversification que tu dis, s'il investit dans 15 compagnies en même temps, il a tellement peur de tout perdre en restant ce qu'il est, qu'il met dans 15 compagnies séparées en se disant comme ça, je ne perdrai pas tout en même temps. Mais c'est faux. C'est ça le protectionnisme qui est illusoire, dans le fond, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a, puis si on ne faisait rien, on aurait ce qu'on a. C'est le processus d'émancipation de l'ego. Tout à l'heure, on parlait, à un moment donné, on parlait d'équilibre instable. Parce que la nation est en train de se développer, il y a un équilibre instable. Il n'y a personne qui peut être confiant de ce qu'il a acquis, il n'y a rien acquis. La nation n'a rien acquis, elle est en croissance. Quand la nation arrive à un certain cheminement où l'humain se rend compte que présentement, bien là, ça va bien, là, il veut conserver son harmonie, il ne produit plus. Pourquoi? Parce qu'il n'innove plus. N'innovant plus, bien là, il se stabilise. Les Japonais, après la purification atomique, ont dû innover. Ils ont innové. Les Allemands, après la purification soviétique, ils ont dit, non, c'est du côté américain surtout, ils ont innové. Et après, à un moment donné, quand tu as innové suffisamment, tu finis par te stabiliser. Te stabilisant, c'est l'harmonie, si tu es heureux. Qu'est-ce qui arrive au bout de ton harmonie? Progressivement, il commence à apparaître la peur de perdre ton affaire, de redescendre en arrière, puis effectivement, là, le protectionnisme va embarquer. Mais ce qui nous tue, parce que si on avait, comme là, on prend l'exemple du Québec, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, avec le Mexique, là, tout le monde s'énerve parce qu'on se dit, nos usines de souliers vont fermer. Mais moi, j'aimerais bien mieux m'acheter des souliers à 3 piastres. Mexicain qui efface, puis gagner 30 000 de moins par année, puis m'acheter les mêmes maudits souliers que si je suis obligé de subventionner l'usine de Shawinigan qui fabrique pendant que je suis de Shawinigan pour aller à la pêche ou faire d'autres choses. Bien, il y aurait à un moment donné une stabilité qui se recréerait dans l'instabilité. Mais les humains, économiquement, puis au niveau gouvernemental, on ne peut plus les supporter. Ben oui. C'est parce qu'on est rendu émotif aussi au niveau personnel. On le transmet en haut. C'est que l'humain est encore émotif au niveau personnel. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va tomber, ce principe-là? Est-ce qu'il fonctionne uniquement dans l'ère nouvelle ou si dans l'ère ancienne, tu peux fonctionner comme ça, mais qu'il n'y a pas de danger? Non. Dans l'ère ancienne, le protectionnisme fait en sorte que tu arrives à une apothéose, puis tu vires en apocalypse pendant que tu fais monter le pistolet du voisin. Bon, hein, on a déjà parlé, les Portugais ont senti le monde avec les Espagnols, les Mongols ont déjà dominé, la France, l'Angleterre, l'Égypte, l'Italie, Rome, ça s'en va, ça vient. La problématique, c'est que l'humain doit être planétaire. Mais au départ, si on revient à l'individu lui-même, c'est exactement le même phénomène, il y a un parallèle à faire. Mais dans l'ère ancienne, ça se vit. C'est-à-dire que toi, tu vas tomber, il y a une nation qui tombe, il y en a une autre qui va apparaître. Mais quand l'être humain commence à être intelligent, c'est lui qui devient important, plus que ce qu'il va faire. Donc, le phénomène barométrique, barométrique, ça veut dire que si ça monte, vous allez bien, si ça baisse, vous allez mal. Bon, dans l'ère ancienne, tout le monde va dire, c'est vrai, quand mon portefeuille baisse, je vais mal, puis quand il monte, je vais bien. C'est vrai, mais là, le principe est à l'inverse, c'est que l'humain est le baromètre de la situation événementielle autour de lui. Donc, plus l'événement est bénéfique, plus l'humain monte. Mais chez l'être nouveau, si l'humain est centré et l'humain est convenable, l'événementiel monte. Et si l'humain, à un moment donné, baisse, l'événementiel descend. Et là, ce que je veux dire, moi, c'est que c'est instantané chez l'être nouveau. Ça veut dire que tu fais une petite connerie. Tu fais une connerie de 50 cents, puis ça peut être 300 000 $ qui commence à être instabilisé. Pourquoi? Parce que ton intelligence, toi, là, il n'est plus question de vos égaux, que l'ego de l'homme domine sans arrêt. Ça veut dire qu'à l'instant où tu réussis quelque chose de bien, puis à un moment donné, l'ego commence à s'en nourrir, si tu ne le vois pas, la personne qui devait signer va avoir un accident, va tomber malade, va changer d'idée, va trouver qu'il se passe des choses. Dans l'économie, c'est ce qu'on appelle la productivité. Ça vient de là, dans le fond. Si chaque individu n'est pas productif, la nation ne l'est pas, on est obligé d'évaluer le dollar pour venir à bout de contrer l'effet de la déproductivité. On ne produit plus. Si on n'est pas intelligent, si on n'est pas à la hauteur de ce qu'on est. Puis tantôt, François, il disait, dans le fond, on n'a rien à faire, on a juste à être ce qu'on est. Mais être ce qu'on est, ça veut dire être totalement productif. C'est pour ça que c'est vrai. Dans une heure par semaine ou dans une heure par année, mais c'est totalement productif pendant cette période-là. Ça, vous avez retard. C'est ça. Exactement ça. On avait zonré. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de baromètre, l'humain, à un moment donné, doit se servir de ce qui, de sa vie, de l'événementiel, donc des événements qui l'entourent. Parce que l'humain, de base, l'humain est un être expérientiel. Ça veut dire qu'il vit d'expérience. Il cumule de l'expérience, puis l'expérience finit par lui donner une forme de raison, une sagesse. Mais l'être nouveau, ce n'est plus un être expérientiel, c'est un être instantané. Ça veut dire qu'il a la capacité de percevoir, de vibrer l'événementiel en même temps, et il ne, même s'il ne comprend pas, il va agir synchronisé avec ce qu'il a à faire. Je prends souvent l'exemple d'un joueur de hockey qui est toujours à la place où la rondelle va aller. Puis quand son ego a trop de pression par rapport au public, il est toujours là où la rondelle ne va plus. C'est pas une question de bon joueur. C'est sûr qu'il faut qu'il patine bien, que ça en aille bien, mais il faut aussi qu'il soit là à la bonne place au bon moment. Tu sais, quand tu lances, là, en tout cas, j'ai déjà regardé les buts, moi, là. J'ai cassé trois paires de lunettes, d'ailleurs, pendant que je gardais les buts. J'avais toujours la tête, ce qu'il fallait pas, puis le gars, ce qu'il fallait pas. Il fallait que j'apprenne à bloquer que le gars, ils n'ont pas qu'à tête. J'ai lâché le hockey à la place, je me suis dit, c'est bon. L'être humain qui vit dans l'intelligence au niveau de ce qu'il est lui, nécessairement, il va finir par être capable de vibrer. Et nécessairement là, l'extérieur devenant barométrique, il aura la promotion quand c'est le temps. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il est lui, subitement, l'événement va bouger. Il va avoir, il va vendre sa maison, il va trouver à acheter ce qu'il a besoin, il va rencontrer... Il y a toute une mécanique qui va se produire qui devrait être perçue par l'individu comme étant un baromètre en fonction de ce qu'il est lui. Quand l'humain se demande, oui, mais est-ce que j'ai bien fait? Si l'humain agit en fonction de l'ère ancienne, il ne saura jamais s'il a bien fait. Bon, oui, mais gars, ça, j'ai tout perdu, donc j'avais pris une mauvaise décision. Écoute, tous les spécialistes en finance... sont toujours à l'envers l'un des autres. Puis toi-même, tu l'as dit, ils ont à un moment donné vérifié. Puis si quelqu'un avait investi à l'inverse des conseils financiers, donc à contre-courant sans arrêt, il serait plus riche aujourd'hui que tous ceux qui ont suivi le courant. Donc, l'humain est manipulé. On prend encore l'exemple de Coke. Quand les gens ont inventé des nouveaux produits, le nouveau Tide, ça a fait fureur, le nouveau Coke, ils ont planté. Fait que le gars qui a pensé à ça, c'est un imbécile. Puis l'autre qui a pensé au nouveau Tide, c'est un génie. C'est la même énergie qui est passée. Puis l'événement va faire en sorte que tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais dans l'ère ancienne, on juge l'humain. L'humain qui est intelligent, puis les gens sont intelligents, puis il y en a de plus en plus de gens intelligents, il faut les réveiller, il faut réveiller le dormeur. Mais l'être humain qui est intelligent, nécessairement, va devenir riche. Puis là, le problème, c'est que l'humain se demande, bon, moi, là, bon, OK, je pars avec 50 piastres, là. J'ai bien du temps. 50 piastres. Là, je vais venir riche si je me sens. Bon, on se centre quand même. Il y a une position particulière à adopter, une liqueur à boire. Le problème, c'est que l'humain essaie de rationaliser la mécanique. Puis l'humain qui n'est pas suffisamment intellectuel ou mental ne rationalisera pas, mais il va immotiviser, il va spiritualiser la mécanique, les deux ne l'auront pas. Les deux vont être dominés par la mécanique. L'humain qui finit par être suffisamment supramental au-dessus de cela, il n'émotivisera pas l'information, il va commencer à, pas dominer, mais à être synchronisé avec la mécanique. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'expliquais ça à une personne. Tu veux signer un contrat, on a déjà fait une conférence, et puis moi, justement, les mécaniques de la richesse, on parlait de transparence. Tu as un contrat de signer avec quelqu'un, il faut que tu livres ça vendredi prochain, puis si ce n'est pas livré, il cancelle le contrat avec toi, il s'en fait avec un autre. Fait que tu l'appelles pour lui dire, oui, pas de problème, ça va être livré, puis tu comptes démontrer. L'être le moindrement intelligent qui fait ça, là, il va se passer, ça va être karmiquement extrêmement intéressant. Donc, pour les rapaces qui se nourrissent des souffrances humaines. La personne qui est dans l'intelligence le moindrement, elle doit appeler pour lui dire, écoute, vendredi, c'est impossible. Bon, je suis désolé. C'est ça, bien là, je t'avertis simplement, je me prends suffisamment d'avance, c'est-à-dire que la date qu'on a fixée ensemble, je ne peux pas. À peu près à 100% des fois, quand l'humain, c'est 100% en réalité, quand l'humain fait ça convenablement, l'autre va dire, ah bon, ben finalement, c'est pas même grave, parce que le gars qui a besoin d'eux, puis il va se passer des événements. La personne va dire, bon, ben là, je m'en suis bien sorti ce coup-là. C'est faux, c'est ça le problème. C'est que ça n'est pas sorti, c'était ça. C'est ça. Puis, on parle de baromètre. C'est exactement ce qui va arriver. L'être humain qui est totalement en affinité avec sa situation barométrique, donc qui est capable d'être centré avec lui, qui est capable d'être ce que, puis tout le monde sait ce qu'on veut être. On veut être bien, on veut être en paix. L'être humain est manipulé totalement. Puis l'être humain qui est centré, qu'est-ce que c'est un être humain centré? Un être humain centré, c'est un être humain qui est capable d'être son seul maître. Puis quand je parle d'être son seul maître, ça ne veut pas dire qu'il ne coûte pas personne. Il est capable de vibrer à l'énergie des autres. Mais être son seul maître, ça veut dire que quand il sort dehors et qu'il pleut, il chiole pas. Pourquoi? Parce que là, c'est la pluie qui est son maître. Ça veut dire que quand... C'est le maître, c'est un être humain qui n'est pas manipulable. Puis l'être humain qui a la capacité d'être intelligent et qui reste manipulable va nécessairement être toujours pauvre en temps et en argent. Puis normalement, il devient malade. Hein? Il y a des boutons qui apparaissent. Finalement, il bave. En tout cas, il y a plein de choses à un moment donné. Là. C'est, vous avez intérêt, finalement, à être un peu plus... au moins, en tout cas, à limiter votre descente aux enfers. Avoir du temps... Si tu as de l'argent, un humain qui a de l'argent peut facilement s'acheter du temps. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Non, ce que je veux arriver, c'est celui qui a du temps peut difficilement arriver à avoir de l'argent à cause que du temps. Celui qui a du temps et qui a de l'argent, il a scrap assez vite qu'il n'y en a pas longtemps. Oui, mais je parle de quelqu'un d'intelligent, là. Quelqu'un qui est intelligent, qui est sur le BS, par exemple, ou sous chômage, et puis l'autre... Arrête deux secondes. Un génie... peut être une BS, sur le chômage, peut être pauvre. Un être intelligent n'est jamais pauvre, donc il n'est jamais sur l'assistance sociale. OK, mais quelqu'un qui est pas intelligent, mais qui veut le devenir, qui voit que c'est correct. Quelqu'un qui a des contacts avec son intelligence de temps en temps, c'est un génie. Bon, ben un génie. Les génies sont souvent, à moins qu'un homme d'affaires qui le ramasse, s'en occupe, puis qui. Mm-hmm. Bon, mais le génie est souvent pauvre. C'est important que vous compreniez l'idée. Parce qu'il y a des gens ici qui vont regarder, ils vont se dire, moi, je ne peux pas être d'homme intelligent, d'abord parce que je n'ai pas de temps ou d'argent. Mais très souvent, puis je connais plein de mes amis qui sont des génies. En ce sens, qu'ils sont capables d'avoir des idées géniales, d'écrire un livre parfait. Ils vont faire une conférence, ils vont donner exactement ce qu'il faut là, mais ils ne vivent pas en être intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisamment homogène chez eux, stable. Stable, on s'entend par stable. Ce n'est pas suffisamment présent. Ils n'agissent pas en être intelligent. Un être intelligent est nécessairement en train de monnayer son intelligence. Monnayer son intelligence veut dire être capable d'ajuster planétairement son intelligence aux structures qui vont lui permettre d'asseoir son assiette énergétique. Donc, un être intelligent ne peut pas avoir de l'argent sans avoir de temps. C'est un génie. S'il y a de l'argent et qu'il n'y a pas de temps, c'est un génie probablement. Il aura besoin d'être replacé pour se servir de son intelligence. C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui commence à avoir des soubresauts d'intelligence, bien là, il peut se dire... Normalement, il perd son argent. Mais mettons qu'il garde. OK. Il est assez vite pour ne pas en perdre. Là, il se dit... Les soubresauts sont assez vite. Non, mais c'est que... C'est que là... Théoriquement, il aime ça parler comme ça. Vas-y. C'est que... La personne, elle va se dire, c'est vrai, je travaille trop, je me tue au travail, mais il y a de l'argent. Fait que là, mais il n'y a pas de temps. lui décide d'être riche, c'est-à-dire d'avoir la santé puis le temps. Il peut facilement arriver à ça s'il est touché par l'intelligence. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le contraire ne se fait pas. C'est ça. Ben, je comprends, moi, quelqu'un qui est dans d'autres positions, qui est découragé. Bon, la majorité des gens, moi, me regardaient écrire mes livres au début, puis disaient, « Ouais, mais toi, c'est facile, toi, tu as le temps, tu sais. » Moi, j'ai écrit des livres, là, moi, j'avais le temps. Puis ces livres-là, là, ils m'ont acheté une maison, ils m'ont acheté une auto, ils m'ont acheté... Donc, avec mon temps, j'ai fait de l'argent. Ça se fait aussi bien. Puis les gens qui travaillaient beaucoup, eux autres, qui n'avaient pas le temps, qui avaient un peu d'argent, ils me disaient, « Ouais, mais moi, j'aimerais ça être à ta place. » Pouvoir passer 3-4 jours dans le bois à écrire avec un petit ordinateur portatif sur le bord d'un lac, mais j'ai pas le temps. Tu vois, fait que non, c'est faux. C'est des visions. Toi, dans ton cas, tu pars d'un point de vue où, en étant trop occupé, si tu aurais le temps, tu ne saurais pas quoi faire ton temps. Ce que tout à l'heure Charles disait, donc tu ne pourras pas faire d'argent. L'être intelligent, c'est important. L'être intelligent, c'est le même qu'on devrait, on doit régir les choses. On doit ramasser autant d'argent qu'on ramasse de temps. Si l'équilibre n'est pas atteint, on fait encore partie des moineaux de l'ère ancienne. Puis si on a de l'intelligence, c'est risqué. C'est tannant que l'humain se ramasse un jour à souffrir, puis à chercher, puis à piailler, puis à travailler. C'est évident que les alliances entre l'humain font partie de l'essentialité pour permettre à l'humain de devenir riche. C'est s'allier. Bon. Puis dans une alliance énergiopathique, il y aura probablement l'amitié. Mais l'amitié qui apparaît avant, ça crée une sympathie, c'est dangereux. Il doit y avoir une énergiopathie. Donc, l'humain doit s'allier au départ. L'humain allié doit être capable de partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux faire juste ceci, puis tout un, je vais te donner le reste. Fais ta part, puis donne-lui, il va faire. Et puis moi, je suis génie. Je m'assois, puis oups, j'ai une idée géniale. Prends-la, fais-la. Moi, je reçois un quart de tout ce qui va être fait là-dedans. Toi, tu produis certaines choses, tu donnes ça au fignoleur, puis tu donnes ça au vendeur. Puis lui, s'il est intelligent, c'est le gars qui va se trouver un réseau. Puis les gens vont faire de l'argent. Nous, on s'assoit tous les quatre, on va dire, oui, mais si on aurait produit nous-mêmes, puis si on avait vendu nous-mêmes, on ferait plus d'argent. J'ai pas de temps. Moi, ce que je dis, c'est que laisse faire toutes les autres, on va ramasser des pinottes, mais maintenant, on a ces pinottes-là et le temps pinottes qui va avec. Quand j'aurai une autre idée, je vous appellerai. Puis progressivement, à travers le temps, parce qu'on va se centrer, et tout va s'installer, va se placer, puis à un moment donné, effectivement, on va avoir du temps en masse et de l'argent en masse. C'est-à-dire que je vais avoir le même temps qu'au départ, et beaucoup plus d'argent pour soutenir mon temps. Donc, j'aurai accumulé et le temps et l'argent en même temps. Ce que tu dis, c'est ce qui s'est déjà passé, pas au niveau de l'intelligence, mais je veux dire, au niveau de la progression économique des nations, ça s'est passé comme ça dans le temps qu'ils ont bâti. Si on est arrivé de la France, puis d'Angleterre, au Québec, au Canada, on a développé le Canada, puis on a atteint... Parce qu'on travaillait, puis on faisait comme ça, on déléguait, mais à un moment donné, on a eu un taux de croissance intéressant. Mais à partir du moment où on l'atteint, ce taux de croissance-là, ça revient encore à la même chose que tantôt, on a tellement peur, dans le fond, d'avoir du temps. Parce que quand on a du temps, on est confronté avec nous autres. T'es poigné à devoir, allez. Là, on a peur. Dans certains cas, je comprends. Moi aussi, je... Très problématique. Mais on a peur. Le parallèle que tu fais entre la nation... Puis l'être humain, et je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'être ancien est un être collectif. Alors, les mêmes lois vont s'appliquer, mais pas à l'humain, mais à la collectivité humaine. Quand tu vis dans la nouvelle, les mêmes lois s'appliquent, mais pas à la collectivité, à l'être. Donc, on doit être un groupe d'individus, et ça va s'appliquer, mais ça s'applique à l'individu. Mais si on acceptait de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de dépenser moins de temps à gagner de l'argent, à ce moment-là, ça impliquerait qu'on redonnerait à d'autres le travail que nous autres, on arrêterait de faire. Parce que si on dépense moins de temps à produire, je reprends l'exemple des souliers de tantôt, si on arrête de prendre du temps pour dépenser, pour fabriquer des souliers au Québec, on va les faire fabriquer au Mexique. Si on les fait fabriquer au Mexique, eux autres vont avoir moins de temps, plus d'argent. Nous autres, on va avoir plus d'argent ou autant parce qu'on va aller acheter nos souliers qui coûtent moins cher. Temporairement moins d'argent. Ça peut faire peur, temporairement. Puis si tu as des génies ou de l'intelligence, tu vas immédiatement être capable de récupérer ton temps et ton argent. Puis les Mexicains, si tu es instruit, vont être capables progressivement d'aller chercher leur temps et leur argent. Tu vas rendre tout le monde plus et plus riche. Puis la pauvreté, c'est la carence du riche. C'est un maudit problème. Et si on n'avait pas la peur, il y aurait l'harmonie financière. Il y aurait on a la peur d'être avec nous autres. C'est ça. On a la peur de manquer de bien. Non, on a la peur, en tout cas, toutes les peurs, là. Mais si on n'avait pas la peur, ou la peur, ça ne nous dérangerait pas de déléguer, ça ne nous dérangerait pas de laisser les autres faire quelque chose. Puis l'autre chose, c'est qu'on s'approprie tellement le droit de fabrication, on dépense des millions en brevets, puis on a une idée, puis c'est mon idée, puis tu ne l'auras pas. Ça, c'est le pouvoir de l'ego, puis on doit le transmuter en puissance de l'intelligence. Un être humain doit être puissant. Il ne doit pas avoir du pouvoir, il doit avoir de la puissance. La puissance, elle apparaît uniquement s'il y a de l'intelligence. Puis effectivement, l'humain va devenir intelligent, l'humain va devenir puissant, l'humain va devenir puissant, l'humain va avoir une assiette énergétique, l'humain va avoir le temps, l'humain va avoir la liberté matérielle, représentée par l'argent. Mais c'est tout ça. Pour être riche, il faut comprendre que ce n'est pas... on ne peut pas agir à l'ère ancienne. Par exemple, quand tu vas jouer à la bourse, il y a des dangers d'aller jouer à la bourse. Pourquoi? Parce que tu joues au tout ou rien. Tu peux te casser la gueule comme du monde. C'est la même chose que vivre dans une société noire, karmiquement. Tu peux bénéficier des avantages sociaux, tu peux aussi te faire assassiner. C'est pas ton karma, ça te regarde pas. C'est un karma collectif. Ça te regarde ni le tueur, ni toi. Lui, tu t'es fait ramasser, puis événementiellement, tu es mal placé. C'est intelligent, tu es bien placé, tu seras pas là. Puis paf! Bon. Au niveau de certaines façons d'aller chercher de l'argent, comme l'être humain qui commence à se conscientiser, il se dit souvent, si j'aurais de l'argent, si j'avais de l'argent, je pourrais régler ma matière, je pourrais me donner du temps, je pourrais créer, il pourrait s'ennuyer. Puis commencer à faire des folies inconscientes, sauver l'humanité, puis faire ci, puis faire ça, puis perdre son argent finalement. Si l'humain, c'est ce qui arrive souvent avec l'humain qui commence à avoir des bribes, des soubresauts d'intelligence, c'est que lui, il croit que s'il avait suffisamment d'argent d'un coup, avec les casinos, avec la loterie, avec une idée géniale à vendre ou avec la bourse, s'il avait ça, il serait mieux. Alors que ce n'est pas ça qui va se passer, il n'aura pas ça. L'humain qui a de l'intelligence, quel que soit son niveau de portefeuille au départ, 50 cents, 50 000, 500 000, ce n'est pas un problème. Ça se perd aussi vite, ça se perd réellement aussi vite. Hein? Tu peux perdre 50 000, 500 000 aussi vite que tu perds 50 000. Le but... Bon, il y en a qui en savent de quoi. Mais le but, lui, puis son... Non, non, ce que je veux dire, c'est que le but ultime de l'humain, de l'homme, c'est d'être bien. Bon, non, ça, là, c'est le summum de la cerise d'un égo humain. Ben, c'est... On n'est pas sur la planète Terre pour être bien. Ben, sinon... Ni pour être mal, sans rien avoir. Non, ben OK, ben c'est l'ego, là. C'est l'ego qui vit. Quand tu vas avoir ta grosse chaise berceuse avec ta grosse pipe, là, puis tu vas avoir une allumeur automatique, tu as du temps pour ton argent en masse, là. Ça va être ton but. Ça y est, je suis le but. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais. Moi, je parle d'être bien, d'avoir des échanges. C'est de vivre en étant. Bon, c'est d'être vivant dans la vie. Bon, je sais pas si tu as déjà fait un tour de navette spatiale. Quand ça rentre dans l'atmosphère, ça rentre en toupie. Puis là, il faut absolument la stabiliser de façon à placer son joli ventre en contact avec la couche atmosphérique, parce qu'à la vitesse où elle s'en vient, n'est-ce pas, ça va chauffer. Si c'est pas placé, ça chauffe de tout partout, puis il y a des chances qu'à un moment donné, en dedans, il fasse chaud un peu. Le contexte planétaire, c'est la même chose. Matériellement, qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est stabiliser sa navette. Quand on parle de stabiliser tout à l'heure, je te dis, mettons, on va arriver à une harmonie, je t'ai dit, on va arriver à un déplacement financier. Le déplacement, c'est la marche, c'est l'équilibre instable. On prend ce terme-là maintenant, c'est un nouveau terme. On ne doit pas arriver à une harmonie, on doit arriver à un déplacement financier. Si l'argent ne roule pas, il se passe quoi? Si l'argent, c'est un déplacement financier. Là, c'est la même chose. Au niveau matériel planétaire, nous, on doit... déplacer, arriver à un déplacement, et non pas une folie furieuse, là, débouler. Il y en a qui sont descendent de leurs enfers, de leurs ancêtres, puis il y en a qui en tombent. Hein? Bon. Alors, on doit arriver à une stabilité, donc un équilibre instable, planétairement. Ça veut dire qu'on doit être capable de stabiliser toute la matrice qui nous oblige à être continuellement en folie avec la matière. Combien de décisions prenez-vous en fonction des manipulations extérieures ou en fonction des manques financiers? L'humain est toujours en train de décider, enfin, de se servir de son intelligence, mais en fonction de la peur financière, de la peur de ne pas nourrir l'enfant, de la peur de manquer d'argent, de la peur de si. De l'insécurité tout le temps. Comment veux-tu qu'on fonctionne? On doit stabiliser l'assiette avant. Hein? Ça, je veux savoir. Comment qu'on fonctionne? Toi, ce que tu aimerais, c'est stabiliser l'assiette, mais la stabiliser, là, pas juste à moitié. Il faut stabiliser. Commencer quelque part. Non, mais de toute façon. Moi, je suis d'accord. Je reviens sur le but. Bon, les mots sont pas bons, mais c'est d'être heureux. Et puis, je parle pas de je vois pas qu'il faut avoir de l'argent pour être bien. Je comprends que si tu es centré, finalement, si tu es bien. Pour être bien, là, il faut que l'humain soit intelligent. De ce fait, quand vous avez besoin de pain, vous allez en chercher. Pas besoin de payer le pain. Vous allez en chercher du pain. Et puis, quand vous avez besoin d'essence, bien, on n'aura plus besoin d'essence rendu là. Mais quand vous avez besoin d'hydrogène, par exemple, ou d'électricité, on en met. Vous n'avez pas besoin de payer. C'est ça qu'il faut arriver. La stabilité planétaire, là, c'est lorsque l'humain n'aura plus besoin d'avoir ni de carte de ci, ni d'empreinte digitale pour payer. C'est plus nécessaire. Ça veut dire, un, que notre technologie humaine, la robotique entre autres, puis tout ce qui est intelligence, va travailler à la place de l'homme. Mais on perd des emplois. Écoute, fais travailler les robots, puis donne-moi l'argent. C'est le problème, il est où? Le problème est dans l'ennui planétaire. Okay? L'humain va faire la guerre. L'humain va être obligé. Une paix planétaire complète, une paix, je parle d'une paix totale. Une paix, même dans l'âme, disons, qui se pourrait. Là. Mais mettons faire une paix de micro-société. Oui, l'assiette est stabilisée quand tu n'as plus besoin, quand on produit suffisamment pour ce que la nation a besoin, ou la planète Terre a besoin, ou le microcosme a besoin, quand tu peux produire suffisamment. Mais là, ce que les gens vont dire, oui, mais il y a plein de profiteux. Moi, je vous parle de société intelligente, il n'y a pas de profiteux là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'ai quelque chose à faire, je le fais. Mais le problème, c'est que pour arriver à une assiette énergétique financièrement et temporellement intéressante, il faut que vous cessiez de vivre. Pour fuir les souffrances, le malheur, la pauvreté, l'inquiétude, et rechercher une stabilité émotionnelle. Il faut que l'humain ait une raison intelligente d'avancer. Moi, je conçois intelligent, par exemple, d'aider la jeunesse au Québec. Pourquoi? Parce que, je te rationaliserai pas ça, c'est esthétique, c'est intelligent, c'est ça. Alors, j'ai pas besoin, moi, de motivation spirituelle de que l'enfant soit beau, ou que l'enfant soit riche, ou qu'il puisse amener la société, la nation planétaire à quelque chose, j'ai pas besoin de ça. C'est intelligent. Quand je rencontre un animal qui est blessé, si je peux l'aider, je l'aide. J'ai pas besoin d'être pogné émotivement pour l'aider. Ah, pauvre petit, puis là, je me transpose. C'est intelligent. Quand l'humain va avoir des raisons intelligentes d'avancer, de se conscientiser, de bouger, de vivre, de rencontrer d'autres personnes, je rencontre une personne à un moment donné, on n'a rien à se dire, tu sais. Il faut une raison pour se rencontrer. Mais à un moment donné, il a besoin de raison. Écoute, on va se serrer la main, on va se regarder. C'est fait, tu sais, c'est fait. Peut-être qu'on va aller jouer ensemble, peut-être qu'on va manger, peut-être qu'on fera rien, c'est fait. C'est important. Alors, l'humain va, planétairement parlant, tant que l'humain continue à avoir des raisons émotives, les syndicats vont les entretenir, le patronat peut les entretenir aussi, la politique, ils entretiennent, c'est une vraie farce, c'est juste émotif, notre affaire, on gère, on s'en va. Mais ça nous ressemble, tu sais. Oui, mais tu t'en mets mobile, tu vois un bel arbre, dirige dessus, hein, tu dis, mais il est beau. C'est émotif. On est porté à transmettre au gouvernement le fardeau, je dirais. On va dire, ben, les gouvernements ne savent pas où ils s'en vont, mais les gouvernements, ils nous ressemblent. Ils ressemblent au peuple qu'ils ont mis là. Nous autres non plus, on ne sait pas qu'on s'en va. Tant qu'individu, on n'a pas pris une direction ou qu'on ne s'est pas centré un peu, c'est bien difficile de demander à ceux qui représentent ceux qui ne sont pas centrés de l'être. On nomme du monde qui nous ressemble, en général. Un Anglais canadien de la Colombie-Britannique, qu'est-ce qu'il veut? Je ne parle pas de toutes ces tripes-là. Il veut être bien. Un Québécois ou un Autochtone amérindien au fin fond de la réserve de Canis-Attaqué, il veut être bien. C'est sûr que si tu vas fouiller dedans puis tu vas jaser avec lui, « Ah, moi, je veux ci, moi, je veux ça! » Il réincarne tous ces guerriers du passé, parce que là, on arrive à la fin d'un cycle, on réincarne tout le passé au complet. Fait que c'est sûr que ça brasse là-dedans. Il veut être bien. Le musulman, là, avec toute cette théorie religieuse au complet, là, il veut être bien. Celui qui prie Odin, Manitou, qui prie Krishna, il veut être bien. Ça, c'est l'intelligence dans l'homme. Moi, je ne veux pas avoir plus que lui, puis plus que elle, puis non, j'aimerais être bien. Le problème, c'est qu'il y a un virus majeur qui est l'ego, qui habite lui-même et qui le force continuellement dans son collectivisme, est en confrontation avec lui-même, avec autrui. Moi, je m'aime pas. M'aimes-tu? Ah, tu m'aimes. Je m'aime un peu plus. Parce que je peux m'aimer, je suis aimable lui-même. Bon, puis si quelqu'un dit « je t'aime pas », ben là, je suis malheureux parce que l'humain, là, est collectif. Quand on va être capable, à travers les structures, puis ça se fait pour n'importe qui, du moment que l'humain commence à être intelligent, là, vous avez de l'intelligence. Vous êtes capable de me suivre le moindrement un peu, vous en avez. Bon, le moindrement que l'humain a de l'intelligence, il doit s'asseoir puis se dire une chose, c'est que dans les temps qui viennent, je devrais monnayer mon intelligence. Ça veut dire « terrestrifier ». Mon intelligence, la prédigérer pour la communiquer planétairement. Pas dans un but spirituel, tiens, je vais sauver l'humanité, je vais aller aider les pays pauvres. Ça n'a rien à voir. Je dois simplement être, à quoi ça sert à l'humain d'être conscient? Ça y sert à souffrir. Ça y sert à plus être capable de parler à son patron ou à ses employés pour perdre son emploi. Ça y sert à quoi? Ça y sert à quoi? Faut que ça te soutienne. Ça sert à rien d'être intelligent si t'es pour en souffrir. Bon, les gens sont là, puis as-tu vu que l'amour, ça n'existe même pas, puis as-tu vu ça, puis l'autre qui l'aime uniquement parce que ça y rapporte. Qu'est-ce qu'il rapporte plus, l'aime plus, c'est conditionnel, puis t'es là, puis tu souffres. L'être humain va devenir riche uniquement quand l'être humain va être capable de comprendre qu'il doit monnayer son intelligence. J'ai rencontré un professeur dernièrement qui m'a invité, c'est à cette île. Elle m'a invité il y a 2 ans, mais j'étais toujours pris, puis finalement, j'y étais. Mais là, elle avait pris sa retraite. Elle est venue quand même à la conférence, puis là, elle me dit, bon, que ça fait longtemps, puis etc., puis elle est correcte, là. Elle se vante pas qu'elle connaissait ce que je disais. Elle était heureuse d'entendre des mots qui supportent son énergie. OK? C'est différent. Là, je lui ai dit, maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'écrire un livre. Oui, effectivement, là, on s'en va. Là, je répète, là, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'écrire un livre. Puis on change encore de sujet. Mais oui, c'est un professeur de français, ça ne peut pas écrire un livre. Pourquoi? Parce qu'écrire un livre, écoute, c'est du monde, c'est important qu'ils écrivent des livres. C'est comme un prisonnier qui va passer 30 ans en prison. Il va écrire un livre. C'est comme un gars qui. Tu sais, il faut être. Il faut avoir de quoi compter. Ah oui! Bon. Monnayer son intelligence, elle, c'est le temps. Elle a l'expérience, puis elle a l'onde de forme sociale, ancien professeur à la retraite, pour que les journalistes la fassent venir, puis elle a un crédit social. Monnayer son intelligence, c'est la base. Puis là, le problème, j'en rencontre souvent des individus, moi, qui sont là, qui me disent, ben oui, je veux bien quoi, monnayer mon intelligence, mais là, je fais quoi? Il y en a un qui vient me voir, à un moment donné, il me dit, hey, là, je viens d'avoir une idée, là, on devrait faire une espèce de machine avec des rayons laser qui piquent l'acupuncture, puis là, je dis, c'est non, là, tu veux monnayer ton trip d'ego. L'humain qui est intelligent réincarne pas juste le passé, il réincarne pas juste les phénomènes présents, il réincarne l'avenir. Que l'avenir, le passé, le présent, c'est une illusion. C'est un nombre de formes particulières, mais c'est instantanément présent en même temps. Lui, il voit des choses dans l'avenir, puis là, il veut triper ça, mettre ça dans la matière tout de suite, comme ceux qui font des communes, puis ceux qui essayent un paquet d'affaires, puis s'ils se cassent le nez, c'est pas le temps. C'est pas le même. Sauf que l'humain doit monnayer son intelligence. Ça veut dire, au départ, il est dans une compagnie, il a une idée brillante, au lieu de travailler contre le patron, il s'en va le voir, puis il s'en va lui dire. Là, il y revient en disant, toi, j'ai été lui dire, là. Et finalement, il est tellement jaloux de mes idées que non seulement il y a un bloc, puis en plus, il ne veut plus me parler, puis ma promotion vient de tomber. Tu vois? Ça, c'est ce que Daniel Kim m'a dit, puis regarde ce que ça me donne. Mais non. Moi, ce que ça doit être un chum de Daniel Kim, il l'a appelé. C'est ça? Le boss. Monnayer son intelligence, ça veut dire que peut-être que là, tu te rends compte que c'est peut-être pas bonne compagnie. Dans laquelle tu es. Le travail, que ton idée... la vie, là, il ne faut pas tout de suite, il faut déconsolider. Mais le travail et la vie, c'est la même chose. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, puis il y en a du monde intelligent, il y en a, mais ils dorment. À un moment donné, vous rencontrez quelqu'un, là, puis hop, subitement, il se réveille. On doit y aller, pas avec son ego. Tu ne vas pas dire au boss, hey, le boss, ça, là, c'est stupide. Moi, on va te dire comment vous faire ça. Mais écoute, là, c'est un ego attire un ego. Là, c'est bien évident que tu risques d'avoir un go. Il y a aussi il y a aussi une question de temps, comme tu as dit juste avant, dans l'exemple de l'employé avec l'employeur. Des fois, pendant qu'on a l'idée, on est sûr que c'est le temps. Parce qu'au moment où on a l'information, il nous semble pas qu'il peut y avoir un décalage entre le moment où on est informé que quelque chose pourrait exister et le moment où ça devrait être mis en application. On peut être bien déçu de la réaction, par exemple, de celui qui reçoit notre idée parce qu'on ne comprend pas ou ne comprend pas, mais c'est peut-être pas le temps. Peut-être que 6 mois, un an et demi, ce n'est pas une question d'attendre, mais... Une idée et de l'intelligence, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? À un moment donné, vous avez une descente d'énergie intéressante, paf! Là, ça vous va, puis là, ça vous donne une créativité, puis là, ça vous passe l'aspirateur, c'est quoi par là? Puis là, vous avez une idée qui apparaît. À tabarnouche, ça serait tout ce que vous avez, c'est de l'énergie. Puis l'humain va terrestrifier l'énergie, ce qui est correct, et là, il pense qu'il vient d'avoir une idée, qu'on devrait le faire. Il vient d'avoir de l'énergie. Tu sais, relax. Parce que moi, avec les idées que j'ai eues, là, ça ferait longtemps que tabarnouche qu'on arrête de changer les choses. Sauf que je passerais mon temps en mission. Il allait acheter le bureau des brevets à Ottawa. Ah, certainement. Pour pouvoir mettre les miens plus vite. Ouais. Mais l'humain, c'est ça l'idée. Le problème, c'est que tu as de l'énergie, puis subitement, tabarnouche, on devrait faire ça. Vous rassurez ces barrages hydroélectriques, là. C'est brillant. C'est étonnant, hein? Non, parce que... Sauf que lui, il voit des barrages. C'est une chose. Il y en a même sur la route à côté de chez nous, là, au cas. L'idée, elle est parfaite. Mais à un moment donné, il y a tout un paquet de mécaniques qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, un individu va recevoir une idée. C'est pas le temps. On parle de synchronicité, mais il doit la prédigérer. Il doit regarder au niveau du peuple. Ce que l'humain peut ramasser présentement, tu peux pas rendre quelqu'un intelligent et un couteau aux fesses. Il n'y a rien à faire. Donc, il y a des choses que l'humain doit vivre, hélas. L'humain, présentement, qui est assujetti à l'évolution méritoire, il devra se casser le nez. C'est dommage. C'est idiot. C'est imbécile. Je suis contre, puis je changerai rien. Je ne peux rien changer. Tu dis à la personne, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Paf! Ça rappelle. Bon, ben voilà. C'est même spirituel, tu dis, ah, t'aurais dû m'écouter. Écoute, elle a juste fait ça, t'écouter. Bon. C'est dommage. À un moment donné, l'humain doit s'arranger pour comprendre que quand il y a de l'intelligence qui descend chez lui, ça doit être utilisable planétairement. Fait que les idées qui viennent de l'an 2000, de l'an 2005 ou de l'an 2047, c'est pas utilisable, vous le présentez. Il y a des choses qui sont utilisables. Là, l'humain commence à souffrir. L'humain se dit, tabarouette, ceux qui explorent le pétrole sont milliardaires. Ça coûte des milliards de faire des grosses plateformes pour amasser encore du pétrole. C'est un combustible fossile. C'est pourri comme idée. Pourquoi ces personnes-là ne prennent pas le milliard et les investissent-ils pas immédiatement dans des cellules ou dans des piles rechargeables ou des batteries ou des structures électriques ou des moteurs à hydrogène? Ils ont l'argent, justement, pour développer ça. Puis s'ils font de l'argent là-dedans, ben, ils vont faire de l'argent maintenant plus que le pétrole, mais avec ça. Comment ça qu'ils n'ont pas pensé? Il y a des gardiens de la finance, il y a toute une structure planétaire pour empêcher l'humain d'avancer, puis il y a quelques personnes là-dedans qui deviennent brillants à un moment donné, qui deviennent conscients. Puis cette conscience-là sert à les faire souffrir, à les récupérer puis les faire souffrir. Et là, il faut que tu monnaies ton intelligence. Un, il faut que tu crées des alliances. Deux, il faut que tu relaxes, il faut que tu lises encore ton Tintin puis ton Reader, ton sélection du Reader Digest. Il faut qu'on parlerait de toi, puis t'es pas au courant, on sait pas. Et puis, progressivement, l'humain doit s'arranger uniquement pour exprimer. Monnayer son intelligence pour parvenir à être riche, je parle en connaissance de cause. Il fut un temps où je ne fouillais pas dans les poubelles, mais je portais le linge de mes amis. 3-4 manteaux l'hiver, parce que j'avais froid, des souliers déchirés en arrière, mais c'est pas grave, ça se mettait plus vite quand je sortais. J'arrivais du Guatemala, puis je dépensais toute ma paye au Guatemala, et puis j'étais pauvre. Mais jamais pauvre, mais matériellement parlant, en tout cas, je faisais pitié. Ma mère, elle disait ça. Elle m'achetait du linge que je ne mettais pas parce que je n'avais pas ça. Bon. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Il arrive à un moment donné que, progressivement, tu fais juste parler. L'intelligence, ça habite l'humain. Puis moi, j'ai parlé. On m'a piqué mes idées. On m'a piqué mes affaires. Bon. Lentement, tu finis par arrêter de cesser d'être un génie, d'être un artiste. Les artistes, souvent, il faut être un artiste en affaires. Les artistes, souvent, ils sont artistes. Les gars d'affaires sont en affaires. Puis, bon. Et puis, à un moment donné, progressivement, ben, je n'ai pas commencé à faire du protectorat. Je me suis dit, écoute, je ne rencontre pas les bonnes personnes. C'est ça le problème. Je ne me suis pas dit, il faudrait que je me protège là, puis je me protège ici, puis etc. Je ne rencontre pas. J'ai écrit un livre intéressant à l'âge de 14 ans, puis l'éditeur me l'a volé. J'ai écrit mon autobiographie à l'âge de 19 ans, puis les éditions de l'homme l'ont publié. Bon, puis on l'a vendu en masse. Sauf que là, eux autres ne me l'ont pas volé. Je ne me suis pas protégé plus. Ils m'ont dit qu'ils m'ont protégé. Mais il y a un gars qui dit qu'il m'a protégé, je pense. Que pas besoin de protéger plus. Ah, maintenant que je l'ai dit, là, c'est dangereux. Je parle à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes meilleurs amis m'ont volé. J'ai perdu 25 000 piastres, j'avais peut-être 21 ans. Bon, etc. Et tout ce que j'ai compris, c'est que je ne rencontre pas les bonnes personnes. Mais l'humain qui travaille à la façon ancienne, dans le but de la richesse, il va se dire, écoute, il faut que je me protège plus. C'est pas ça! Moi, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, puis le gars, il dit, on va s'associer, puis on va aller chercher des subventions. C'est pas de problème. Si tu veux qu'on se connaisse, là, on va aller chercher des subventions, puis toi, tu vas les gérer. Moi, je veux rien avoir. Alors, je veux pas rien gérer. Fait que si tu penses que dans notre alliance, faut que tu me donnes tant, tu me le donneras. Puis tu géreras. Comme ça, moi, ça va quitter. S'il part avec tout l'argent au complet, j'ai rien perdu. Je peux embarquer dans rien. J'ai sauvé combien d'années, tu penses? L'humain doit vibrer comme ça. Alors, on menaille son intelligence, on va voir quelqu'un, on a une idée, puis il est nu, on se volait. Ce n'est pas les bonnes personnes. Il faut que tu apprennes à connaître les gens. faut que tu te laisses aller. Le protectoriat, jamais. Il ne faut pas non plus que tu sois un artiste. Chaque fois que quelqu'un se trouve beau, il a une belle cravate, ou ben non, il a bien de l'argent, ou etc., il part. Il te flatte ton ego et t'embarque, toi, là. Tu apprends à te connaître, tu apprends à reconnaître les scruteurs qui vont te permettre d'évaluer autrui, puis là, tu monnaies ton intelligence. Dans ta compagnie, tu sauras comment embarquer. Connaître la psychologie humaine, ça se fait tout seul. Tu n'as pas étudié ça à l'école. Ceux qui étudient ça à l'école, étudient la tradition. L'humain a changé depuis l'école. Et progressivement, tu arrives à instaurer une richesse qui t'amène le temps et qui t'amène l'argent. Puis l'humain commence à avoir du plaisir. Il boit de l'eau sans problème. Est-ce qu'on peut déménager la richesse dans un pays où il y a du temps et il n'y a pas d'argent? Puis de cette façon-là, avoir plus de temps. Bon. La question, c'est une question d'envergure. C'est une question d'envergure et qui est sous-tendue par différentes choses à travers l'astralité et à travers l'intelligence. Lui aurait dû la poser. C'est parce que vous n'avez pas, je l'ai posé. Comme ça, j'aurais pu dire, c'est pas important. Je vais vous expliquer comment vous devez faire des affaires. Puis, comprenez, probablement le Québec est assujetti à la médiocratie, de par sa nature, il se pense médiocre. Pas voir. Hein? Tokyo, c'est loin. Tokyo. Paris, c'est loin. Fait que faire de l'exportation, tu exportes à longue vérité. Oui. C'est loin. Les Japonais, les Chinois sont ici, puis tout le monde est rendu ici, puis nous, on passe, c'est loin. Et on va à Tokyo, puis on va dans le quartier japonais. On doit comprendre qu'effectivement, on doit être tout le monde des personnes en affaires. Ça veut dire qu'on soit un employé, qu'on soit... Puis c'est, quand je parle d'être en affaires, ça ne veut pas dire de, nécessairement d'avoir des actions à la bourse, d'avoir un portefeuille. Un portefeuille peut-être, mais pas... Ça ne veut pas dire... Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire d'être aristocrate au fin fond de soi. Pas le jouer. Celui qui le joue, bourgeois. C'est parvenu. Je parle d'aristocratie. Ça veut dire que l'humain doit être capable de reconnaître l'effet énergétique qui sous-tend sa vie. C'est drôlement important. Utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu n'as pas beaucoup de linge, bien le peu de linge que tu as, porte-le donc convenablement à la hauteur de ton énergie. C'est simple. Tu mets, que je dis souvent, j'étais à un moment donné faire un tour à l'Hydro-Québec, puis j'ai rencontré une de mes amies avec lesquelles on avait fait un paquet de conneries, puis on avait étudié sur coupe volante, puis on avait fait de la télépathie. Il avait suivi des cours, lui, pour être en Forest Daisy, puis finalement, il s'est ramassé dans un bureau à Hydro-Québec. La cravate à côté, le nombril bien visible, la bedaine, le médecin des rendus fonctionnaires à l'Hydro-Québec. Un génie. C'est pas une question de richesse dans le style humain. C'est pas c'est pour savoir, avez-vous une automobile ou pas? Moi, je prends l'autobus. Quand je prends l'autobus, je prends l'autobus. Faut que l'humain soit un être d'énergie, un être de goût, qui prend l'autobus. Écoutez, on est sur la planète Terre. Si moi, on me recatapulte à l'époque des Romains, là, je ne me promènerais pas en Mercedes, je me promenais avec un... je sais pas comment. Mais une chose certaine, c'est que je vais rester le même personnage. J'ai pas besoin de matière pour être quelqu'un. Et souvent, le Québécois, lui, il pense qu'il a besoin de matière pour être quelqu'un pour se lancer. Ça, c'est matière à réflexion. C'est pas ça qu'il faut être. Fait que là-dessus, on va devoir se laisser. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes quelque chose. Si ça se tient debout, puis ça fonctionne, ça l'avance, c'est de l'aristocratie. Puis automatiquement, vous allez apprendre à vous reconnaître. Monnayer son intelligence va venir tout seul. Puis nécessairement, le temps et l'argent entrent. Mais on ne doit pas courir après la pièce. C'est pas ça, la vie. La matière, tu vas supporter ce que nous sommes. Ça vient tout seul. Puis je le sais qu'il y a des gens qui demandent à savoir. Alors là-dessus, ben c'est ça. Ben, s'il neige, faites attention, bonne neige. Au revoir.